l'historien grec Hérodote vécut au VIe siècle avant notre ère. La Laconie est la région de Grèce dont Sparte était la ville principale. Hérodote raconte, d'un style rapide et précis, et avec un tour d'expression plein d'élégance et d'ingénuité, l'aventure du musicien Arion. Arion, dit-il, s'était rendu célèbre dans l'Antiquité par les accents de sa lyre. Il était né à Métimne, ville de Lesbos. Le roi de Corinthe, Périandre, l'aima et le protégea à raison de son talent. Il quitta ce roi pour visiter deux pays fameux, la Sicile et l'Italie. Là, dans toutes les villes de ces contrées, il charma les oreilles et les cœurs. Les habitants, dont il était les délices et l'amour, le comblèrent de richesses. Enfin, chargé d'une forte somme d'argent et d'objets précieux, il résolut de retourner à Corinthe. Il choisit donc un navire et des matelots corinthiens. Il lui était mieux connu, et il comptait plus particulièrement sur leur amitié. Il fut reçu à bord. Mais, quand le navire gagnait la mer, les Corinthiens, pour s'emparer d'une si riche proie, résolurent de le tuer. Arion pressentit sa perte. Il leur donna son argent et ses biens, et leur demanda de lui faire grâce de la vie. Tout l'effet que ses prières produisirent sur les matelots fut d'obtenir qu'ils ne tremperaient pas les mains dans son sang. Mais ils lui ordonnèrent de se précipiter aussitôt dans les flots. Le musicien, effrayé, sans espoir, demanda, comme dernière grâce, qu'avant de mourir, il lui fût permis de revêtir ses habits, de prendre sa lyre et de chanter son malheur pour se consoler. Ses marins, féroces et cruels, eurent cependant la curiosité de l'entendre. Sa demande lui est accordée. Bientôt, revêtu de sa ceinture, de ses habits et de ses ornements ordinaires, debout, à l'extrémité de la poupe, il chante d'une voix éclatante. Le chant fini, il se précipite à la mer avec sa lyre et la parure qu'il avait en chantant. Les matelots, bien persuadés qu'il avait péri, poursuivirent leur voyage. Un prodige inouï et vengeur le sauva. Un dauphin fend les flots, le soulève, le porte sur son dos qui domine la mer et, sain et sauf, ses ornements intacts, le dépose sur le rivage de Ténare en Laconie. De là, Arion gagne Corinthe et se présente inopinément à Périandre dans l'état où il était sur le dauphin. Il lui raconta son aventure. Le roi y ajouta peu de foi et le fit garder comme imposteur. Il fit venir les matelots et leur demanda, artificieusement, en l'absence d'Arion, ce qu'ils en avaient entendu dire dans le pays d'où ils venaient. Ils répondirent qu'ils l'avaient laissé en Italie, en bonne santé, goûté, recherché de toutes les villes, comblé d'honneur et vivant dans l'opulence. À ces mots, Orion parait avec sa lyre, tel qu'il s'était jeté à la mer. Interdit et convaincu de mensonge, les matelots ne purent nier. Cette aventure est célèbre à Lesbos et à Corinthe. Elle est attestée par un groupe d'airain qu'on voit à Ténare et qui représente un dauphin portant un homme assis sur son dos.